Chapitre 21e. La triste nuit. Marguerite et son père s'en retournèrent chez eux à pied. La nuit était belle, les rues propres, et avec sa jolie robe de soie retroussée jusqu'aux genoux, comme la robe de satin vert de Lizzie Lindsay dans la balade, Marguerite se sentait disposée à danser le long du chemin, animée qu'elle était par l'air frais de la nuit. Je crois que Thornton, malgré tout, a beaucoup d'inquiétude au sujet de cette grève. Il m'a paru fort triste ce soir. Je serais étonné qu'il en fût autrement. Cependant, il en parlait avec sa tranquillité accoutumée aux autres manufacturiers, l'instant d'avant notre départ. Après le dîner aussi, il faudrait de bien grands événements pour le faire départir de son calme habituel, mais l'expression de sa physionomie me paraît triste et inquiète. Je serais en vérité inquiète à sa place. Il doit connaître les haines et les colères qui s'amassent autour de lui, car les ouvriers le regardent tous comme ce que la Bible appelle un homme dur, non pas tant injuste qu'insensible, d'un jugement ferme, s'appuyant sur ses droits, comme aucune créature humaine ne devrait s'y appuyer, en songeant à ce que nous et nos droits nous sommes devant le Tout-Puissant. Je suis bien aise que vous lui trouviez l'air inquiet, car lorsque je songe à Butcher, à ses paroles et à ses manières à demi égarées, je ne puis souffrir la tranquillité de Mr. Thornton. D'abord, je ne suis pas aussi convaincu que toi de la complète misère de ce Butcher. Dans le moment, il était malheureux, c'est certain, mais les ouvriers reçoivent toujours des secours d'argent mystérieux distribués par ses unions. Et d'après ce que tu m'as dit, cet homme est évidemment d'une nature passionnée et démonstrative, et il exagère peut-être ce qu'il ressent. Oh, papa! Je voudrais seulement t'amener à rendre justice à Mr. Thornton, qui est, je crois, d'une nature tout opposée. C'est un homme trop orgueilleux pour montrer ses sentiments. C'est justement un de ses caractères que j'aurais cru que tu admirerais, Marguerite. Je l'admire aussi, papa, ou plutôt je l'admirerais, mais je ne suis pas aussi sûr que vous de l'existence de ses sentiments. C'est un homme d'une grande force de caractère et d'une intelligence élevée, surtout si l'on considère les circonstances peu avantageuses dans lesquelles il s'est trouvé. Pas si désavantageuses que tu l'imagines. Il a mené presque au sortir de l'enfance une vie pratique. Il a été appelé à exercer son jugement et un grand empire sur lui-même. Tout cela développe une partie de l'intelligence. Il lui manque, il est vrai, la connaissance du passé, qui est la meilleure base des conjectures qu'on peut faire sur l'avenir. Mais il sait que cela lui manque. Il en a conscience, il le sent. Et c'est bien quelque chose. Tu es tout à fait prévenu contre Mr. Thornton, Marguerite. C'est le premier manufacturier, la première personne occupée de commerce que j'ai eu l'occasion de voir, papa. C'est ma première olive, permettez-moi de faire la grimace en l'avalant. Je sais qu'il a du mérite dans son genre, et plus tard j'aimerais peut-être ce genre, et vraiment, je crois que je commence à l'aimer. La conversation des messieurs m'a beaucoup intéressé ce soir, bien que je ne la comprisse pas tout entière. J'étais très fâché. Lorsque Miss Thornton est venue me chercher de l'autre bout du salon en disant qu'elle craignait que je ne fusse embarrassé, étant seule parmi tous les messieurs. Je n'y avais pas seulement pensé, tant j'étais occupé de les écouter, et les femmes étaient si ennuyeuses, papa, oh, si ennuyeuses. Elles ne manquaient cependant pas d'une certaine habileté. Elles me faisaient souvenir de nos anciens jeux, qui consistaient à faire entrer un certain nombre de mots dans une seule phrase. « Que veux-tu dire, mon enfant ?» Elle choisissait des mots représentant des choses qui ont un signe évident de richesse, comme femme de charge, aide-jardinier, dentelle, diamant et autres choses de ce genre, et chacune d'elles formulait sa phrase de manière à les amener le plus naturellement possible. Tu seras tout aussi fier de ton unique servante, si tout ce qu'en dit Mrs. Thornton est vrai. Certainement, mon père. Je me faisais l'effet d'une hypocrite ce soir, assise là, dans ma robe de soie, les mains oisives, tandis que je me rappelais tous les travaux du ménage auxquels je m'étais livré pendant la journée. Il me prenait pour une belle dame, j'en suis sûr. Moi-même, je m'y trompais, mon enfant, dit en souriant Mr. Hale. Mais les sourires se changèrent en une pâleur mortelle lorsqu'ils eurent vu la figure de Dixon qui leur avait ouvert la porte. « Oh, mon maître, oh, Miss Marguerite, Dieu soit loué, vous voilà. Le docteur Donaldson est ici. La servante de nos voisins est allée le chercher. » Elle est mieux maintenant, mais, oh, monsieur, j'ai cru qu'elle allait mourir il y a une heure. » Mr. Hill s'appuya sur le bras de Marguerite pour ne pas tomber. Il la regarda et vit sur son visage une expression de surprise et d'extrême chagrin, mais non l'angoisse et la terreur qui déchiraient son propre cœur. Il vit qu'elle en savait plus que lui. Elle écoutait Dixon avec une expression de crainte sans espérance. « Oh, je n'aurais pas dû la quitter. Je suis une mauvaise fille !» s'écria Marguerite avec désespoir, tandis qu'elle soutenait les pas chancelants de son père pour monter dans la chambre de la malade. Ils trouvèrent le docteur Donaldson sur le carré. « Elle est mieux, » leur dit-il tout bas. « Le calmant a fait son effet. Les spasmes ont été terribles. Il n'est pas étonnant que votre domestique en ait été terrifié. Mais elle se remettra cette fois-ci. Cette fois-ci, laissez-moi l'aller trouver. » Une demi-heure auparavant, Mr. Hale était un homme d'un certain âge. Maintenant, sa vue était incertaine, son pas chancelant comme s'il eût 70 ans. Le docteur lui donna le bras et le conduisit dans la chambre à coucher. Marguerite les suivit. Sa mère était couchée, et elle avait sur le visage cette empreinte à laquelle on ne saurait se méprendre. Elle pouvait aller mieux en ce moment, elle dormait même. Mais la mort l'avait visiblement marquée de son sceau fatal, et il était clair qu'elle ne tarderait pas à réclamer sa victime. Mr. Hale la regarda en silence pendant quelques instants, puis il se mit à trembler de tout son corps, et repoussant l'appui du docteur Donaldson, il essaya de trouver la porte. Il ne pouvait la voir, quoique plusieurs lumières éclairassent la chambre. Il se traîna jusqu'au salon. Il chercha un siège. Le docteur en roula un près de lui et l'y plaça, puis il lui tâta le pouls. « Parlez-lui, Miss Hale. Il faut le sortir de cette torpeur. »« Papa, » dit Marguerite en pleurant. « Papa, parlez-moi. » L'intelligence reparut dans les yeux de Mr. Hale et il fit un violent effort. « Marguerite, tu savais donc cela ? Oh, c'est cruel à toi. » « Non, monsieur, ça n'a pas été cruel, » dit le docteur rapidement. « Mais il n'agit que sur mon ordre. » « Il a pu y avoir erreur, mais non pas cruauté. Votre femme ne sera plus la même demain, je l'espère. Elle a eu des spasmes, comme je l'avais prévu, bien que je n'eusse pas fait part de mes craintes, Miss Hale. Elle a pris le calmant que j'avais apporté. Elle va bien dormir. Et demain, ces symptômes qui vous ont tant effrayé auront disparu. Mais non la maladie. » Mr. Donaldson jeta un coup d'œil du côté de Marguerite. Il vit dans ses yeux qu'elle pensait qu'il valait mieux révéler à son père la vérité tout entière. « Non, pas la maladie. Tout notre art n'y peut rien. Nous ne pouvons qu'en retarder les progrès et soulager les souffrances qu'elle amène. Soyez homme, monsieur, soyez chrétien. Ayez foi en l'immortalité de notre âme, qu'aucune douleur, qu'aucune maladie ne peut atteindre. » Mais pour toute réponse, Mr. Hale balbutia ces mots. « Vous n'avez jamais été marié, docteur. Vous ne savez pas ce que c'est. » Et demain, les deux profonds sanglots s'échappèrent de sa poitrine comme des cris d'agonie au milieu du silence de la nuit. Marguerite s'agenouilla près de lui, s'efforçant de le consoler avec des caresses pleines de larmes. Personne, pas même le docteur, ne s'apercevait de la marche du temps. Mr. Hale fut le premier qui osa parler des nécessités du moment présent. « Que faut-il que nous fassions ? » demanda-t-il. « Dites-nous-le à tous deux. Marguerite est mon soutien, mon bras droit. » Le docteur donna ses prescriptions. Elles étaient claires et sensées. Il n'y avait rien à craindre pour cette nuit, ni même d'ici à plusieurs jours, mais aucun espoir de guérison. Il conseilla Mr. Hale de se mettre au lit et de laisser seulement une personne pour veiller près de la malade, dont le sommeil serait probablement paisible. Il promit de revenir le lendemain matin de bonne heure, et après leur avoir serré cordialement la main, il les quitta. Le père et la fille ne se dirent que quelques mots. Tous deux étaient trop épuisés par la terreur qu'ils avaient éprouvée pour faire autre chose que décider ce qu'il convenait de régler immédiatement. Mr. Hale était résolu à ne pas se coucher, et tout ce que Marguerite put obtenir de lui, ce fut qu'il se reposerait sur le sofa du salon. Dixon refusa résolument de sortir de la chambre, et quant à Marguerite, il lui semblait simplement impossible de quitter sa mère, quoi que pût dire le docteur de la nécessité de ménager les ressources et de l'inutilité de veiller plusieurs à la fois. Dixon s'assit donc près du lit, puis bientôt il commença à cligner de l'œil, puis à laisser tomber sa tête et à la relever en sursaut. Enfin, elle renonça à combattre et ronfla franchement. Marguerite avait ôté sa robe, l'avait jetée de côté avec dégoût et impatience, et avait passé une robe de chambre. Il lui semblait qu'elle ne pourrait plus jamais dormir, tant ses nerfs étaient surexcités. Chaque chose qu'elle voyait, chaque son qu'elle entendait, Chacune de ses pensées, pour ainsi dire, la touchait au vif. Pendant plus de 2 heures, elle entendit les pas agités de son père. Il venait continuellement à la porte de la chambre de sa femme et s'arrêtait pour écouter, jusqu'à ce que Marguerite eût pris le parti d'ouvrir pour lui dire que tout allait bien, en réponse aux questions que ses lèvres desséchées pouvaient à peine formuler. À la fin, lui aussi s'endormit et la maison tout entière fut calme et silencieuse. Marguerite réfléchissait. Bien loin derrière elle lui paraissaient tous les événements des jours précédents. Il y avait à peine 1 jour et demi qu'elle s'intéressait à Bessie Higgins et à son père, et que son cœur se fendait au récit des malheurs de Butcher. Maintenant, ces choses ne lui semblaient plus que les vagues souvenirs d'un passé éloigné. Tout ce qui n'avait pas trait à sa mère ne lui apparaissait plus que comme un rêve. Les souvenirs de Harley Street étaient plus vifs et plus réels. Elle se rappelait le plaisir qu'il y avait pris bien souvent à retrouver les traits de sa mère, en regardant la figure de sa tante Shaw, et les lettres qu'elle recevait avec tant de joie, et qui la faisaient soupirer après le presbytère de Helstone. Les jours gris, tristes et monotones de l'hiver et du printemps passé s'associaient surtout avec ce qui l'intéressait en ce moment par-dessus tout. Elle aurait voulu rappeler ces jours écoulés, et leur demander de lui rendre ce qu'elle n'avait pas assez apprécié, alors qu'elle le possédait. Que la vie lui semblait peu de chose, qu'elle lui paraissait vaine, fragile et passagère. C'était comme si d'un paix froid aérien s'élevant au-dessus des bruits et des agitations de la terre, une cloche eût sans cesse fait retentir ces mots. Il n'y a ici-bas que des ombres, tout passe, tout est passé. Et cette terrible nuit elle-même ne fut bientôt qu'une ombre. Elle passa à son tour et fit place à une matinée froide et grise, telle que Marguerite en avait vu beaucoup à Milton. Mrs. Hale, lorsqu'elle s'éveilla, ne se rappela pas combien elle avait été malade pendant la nuit. Elle fut surprise de la visite matinale du docteur Donaldson et de l'inquiétude que trahissait le visage de son mari et celui de sa fille. Elle consentit à rester au lit ce jour-là, avouant qu'elle était très fatiguée. Mais le lendemain, elle voulut se lever et le docteur lui donna la permission de retourner dans le salon. Elle se trouva mal à l'aise dans toutes les positions et vers le soir, elle eut de la fièvre. Mr. Hale était complètement abattu et incapable de s'occuper de quoi que ce fût. Que faire pour épargner à maman une nuit semblable à l'avant-dernière? Demanda Marguerite au docteur. Cette agitation est jusqu'à un certain point l'effet de la réaction produite par les calmants énergiques auxquels j'ai dû avoir recours. Je crois qu'elle est plus pénible à voir qu'à supporter, mais peut-être un lido serait-il une bonne chose. Elle ira dans tous les cas beaucoup mieux demain. Elle sera à peu près dans l'état où elle était avant la crise. Cependant, je serais bien aise qu'elle eût un lido. Je sais que Mrs. Thornton en a un. Je tâcherai de passer chez elle cet après-midi. Non, ajouta-t-il soudain, en remarquant la figure pâle et fatiguée de Marguerite. Je crains de ne pouvoir y aller. J'ai une longue tournée à faire. Cela ne vous fera pas de mal de prendre votre course d'ici à Marlborough Street et d'aller le demander vous-même à Mrs. Thornton. Certainement. Je pourrai y aller pendant que maman dormira dans l'après-dîner. Je suis bien sûr que Mrs. Thornton ne demandera pas mieux que de nous le prêter. » L'espérance du docteur Donaldson ne l'avait pas trompée. Mrs. Hale parut secouer les suites de son attaque, et elle fut dans l'après-midi plus gaie et plus à son aise que Marguerite n'avait espéré la revoir jamais. Elle la laissa, après le dîner, assise dans un grand fauteuil, et la main dans celle de Mr. Hale, qui paraissait plus fatigué et plus malade qu'elle. Il souriait cependant, bien que faiblement. Mais 2 jours auparavant, Marguerite croyait qu'elle ne le verrait plus jamais sourire. Il y avait à peu près 2 milles entre la maison de Mr. Hale et celle de Mrs. Thornton. Il faisait trop chaud pour marcher vite. Un soleil d'août donnait en plein dans la rue à 3 heures de l'après-midi. Marguerite, pendant le premier mille, ne remarqua rien d'extraordinaire au dehors. Elle était absorbée par ses propres pensées. Elle avait appris à passer son chemin à travers les flots de créatures humaines qui débordait par moments dans les rues de Milton. Mais peu à peu, elle remarqua une agitation inaccoutumée dans les multitudes qui se pressaient dans la rue où elle allait entrer. Les ouvriers ne paraissaient pas avancer. Ils parlaient, criaient, gesticulaient, et on entendait un bourdonnement irrité sortir de la masse compacte. Cependant, comme tous lui faisaient place et qu'elle était d'ailleurs préoccupée du motif de sa course et de ce qui la rendait nécessaire, elle observait avec moins d'attention qu'elle n'eût fait dans une autre occasion, et elle arriva à Marlborough Street sans s'être aperçue que l'atmosphère qui l'entourait était chargée d'orage. De chaque ruelle étroite donnant dans Marlborough Street s'élevait le bruit de myriades de voix furieuses et indignées. Les habitants de chaque sombre réduit étaient devant leurs portes ou aux fenêtres, un grand nombre au milieu de la rue elle-même, tous ayant les yeux dirigés vers un même point. Marlborough Street était le foyer vers lequel se portaient tous ces regards animés par des passions diverses, les uns brillant de colère, les autres exprimant la menace, quelques-uns dilatés par la crainte, d'autres par la prière. Lorsque Marguerite atteignit la petite porte de côté et après avoir sonné, attendit que le portier vînt l'ouvrir, elle se retourna et entendit le premier roulement de la tempête. Elle vit la première vague de la foule avancer sa crête menaçante, puis se retirer jusqu'au bout de la rue, qui, tout à l'heure, remplie d'un bruit contenu, devint tout à coup silencieuse. Elle ne put s'empêcher de remarquer ces différentes circonstances, mais, triste et préoccupée, elle ne songea pas à se demander ce qu'elle présageait, quelle était leur terrible signification. Elle ne sentait que le coup qui menaçait de l'anéantir en la laissant orpheline. Elle essayait de s'accoutumer à en supporter la pensée, afin de pouvoir, lorsqu'il la frapperait, se trouver prête à consoler un père. Le portier ouvrit la porte avec précaution, pas assez pour que Marguerite pût entrer. « Ah, c'est vous, Miss Hale, » dit-il en respirant plus à l'aise et ouvrant davantage la porte, qu'il verrouilla de nouveau dès que Marguerite fut entrée. « La foule vient ici, à ce que je crois, » demanda-t-il. « Je n'en sais rien. Le fait est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais cette rue-ci est tout à fait déserte, il me semble. » Elle traversa la cour et monta les marches qui conduisaient à la maison. On n'entendait le bruit d'aucune machine, le mouvement d'aucun travail, rien que les rugissements et les clameurs lointaines de la foule.